Chapitre 2. La maison de maître Bailleh, notaire à Cloyes, était située rue Grouèze, à gauche en allant à Châteaudun, une petite maison blanche d'un seul étage, au coin de laquelle était fixée la corde de l'unique réverbère qui éclairait cette large rue pavée, déserte en semaine, animée le samedi du flot des paysans venant au marché. De loin, on voyait luire les deux panonceaux sur la ligne crayeuse des constructions basses. Et derrière, un étroit jardin descendait jusqu'au Loir. Ce samedi-là, dans la pièce qui servait d'étude et qui donnait sur la rue, à droite du vestibule, le petit Claire, un gamin de 15 ans, chétif et pâle, avait relevé l'un des rideaux de mousseline pour voir passer le monde. Les deux autres Claires, un vieux, ventru et très sale, un plus jeune, décharné, ravagé de bile, écrivait sur une double table de sapin noirci, qui composait tout le mobilier, avec 7 ou 8 chaises et un poêle de fonte, qu'on allumait seulement en décembre, même lorsqu'il neigeait à la Toussaint. Les casiers dont les murs étaient garnis, les cartons verdâtres, cassés aux angles, débordant de dossiers jaunes, empoisonnaient la pièce d'une odeur d'encre, gâtée et de vieux papier mangé de poussière. Et cependant, assis côte à côte, deux paysans, l'homme et la femme, attendaient dans une immobilité et une patience pleine de respect. Tant de papier, et surtout ces messieurs écrivant si vite, ces plumes craquant à la fois, les rendaient graves, en remuant en eux des idées d'argent et de procès. La femme, âgée de 34 ans, très brune, de figure agréable, gâtée par un grand nez, avait croisé ses mains sèches de travailleuse sur son caraco de drap noir bordé de velours. Et de ses yeux vifs, elle fouillait les coins, avec l'évidente rêverie de tous les titres de biens qui dormaient là. Tandis que l'homme, de 5 ans plus âgé, roux et placide, en pantalon noir et en longue blouse de toile bleue, toute neuve, tenait sur ses genoux son chapeau de feutre rond, sans que l'ombre d'une pensée animât sa large face de terre cuite, rasée soigneusement, trouée de 2 gros yeux bleus faïence, d'une fixité de bœuf au repos. Mais une porte s'ouvrit. Maître Bailleh, qui venait de déjeuner en compagnie de son beau-frère, le fermier Hourdequin, parut, très rouge, frais encore pour ses 55 ans, avec ses lèvres épaisses, ses paupières bridées, dont les rides faisaient rire continuellement son regard. Il portait un binocle et avait le continuel geste maniaque de tirer les longs poils grisonnants de ses favoris. « Ah, c'est vous, Delhomme, » dit-il. « Le père Fouan s'est donc décidé au partage ?» Ce fut la femme qui répondit. « Mais oui, monsieur Bailleh, nous avons tous rendez-vous pour tomber d'accord et pour que vous nous disiez comment on fait. » « Bon, bon, Fanny, on va voir. Il n'est 1 heure à peine, il faut attendre les autres. » Et le notaire causa un instant encore, demandant le prix du blé, en baisse depuis 2 mois, témoignant à Delhomme la considération amicale due à un cultivateur qui possédait 20 hectares, un serviteur et 3 vaches. Puis il rentra dans son cabinet. Les clercs n'avaient pas levé la tête, exagérant les craquements de leurs plumes. Et de nouveau, les Delhomme attendirent, immobiles. C'était une chanceuse, cette Fanny, d'avoir été épousée par un amoureux honnête et riche, sans même être enceinte. Elle qui, pour sa part, n'espérait du père Fouan que 3 hectares environ. Son mari, du reste, ne se repentait pas, car il n'aurait pu trouver une ménagère plus intelligente ni plus active, au point qu'il se laissait conduire en toutes choses, d'esprit borné, mais si calme, si droit, que souvent à Rogne, on le prenait pour arbitre. À ce moment, le petit clerc qui regardait dans la rue étouffa un rire entre ses doigts, en murmurant à son voisin, le vieux, ventru et très sale. « Oh ! Jésus-Christ !» Vivement, Fanny s'était penchée à l'oreille de son homme. « Tu sais, laisse-moi faire. J'aime bien papa et maman, mais je ne veux pas qu'ils nous volent. Et méfions-nous de Buteau et de cette canaille d'Hyacinthe. » Elle parlait de ses 2 frères. Elle avait vu par la fenêtre arriver l'aîné, cette Hyacinthe que tout le pays connaissait sous le surnom de Jésus-Christ. un paresseux et un ivrogne qui, à son retour du service, après avoir fait les campagnes d'Afrique, s'était mis à battre les champs, refusant tout travail régulier, vivant de braconnage et de maraude, comme s'il eût rançonné encore un peuple tremblant de bédouins. Un grand gaillard entra, dans toute la force musculeuse de ses 40 ans, les cheveux bouclés, la barbe en pointe, longue et inculte, avec une face de Christ ravagée, un Christ soulard, violeur de filles et détrousseur de grandes routes. Depuis le matin, à Cloix, il était gris déjà, le pantalon boueux, la blouse ignoble de taches, une casquette en loques renversée sur la nuque, et il fumait un cigare d'un sou, humide et noir, qui en pestait. Cependant, au fond de ses beaux yeux noyés, il y avait de la goguenardise pas méchante, le cœur ouvert d'une bonne crapule. « Alors, le père et la mère ne sont pas encore là ? » demanda-t-il. Et comme le clerc, maigre, jauni de bile, lui répondait rageusement d'un signe de tête négatif, il resta un instant le regard au mur, tandis que son cigare fumait tout seul dans sa main. Il n'avait pas eu un coup d'œil pour sa sœur et son beau-frère, qui eux-mêmes ne paraissaient pas l'avoir vu entrer. Puis, sans ajouter un mot, il sortit. Il alla attendre sur le trottoir. « Oh, Jésus-Christ ! Oh, Jésus-Christ !» répéta en faux-bourdon le petit clerc, le nez vers la rue, l'air de plus en plus amusé du sobriquet qui éveillait en lui des histoires drôles. Mais 5 minutes à peine se passèrent, les fouans arrivèrent enfin. 2 vieux, aux mouvements ralentis et prudents. Le père, jadis très robuste, âgé de 70 ans aujourd'hui, s'était desséché et rapetissé dans un travail si dur, dans une passion de la terre si âpre, que son corps se courbait, comme pour retourner à cette terre, violemment désirée, possédée. Pourtant, sauf les jambes, il était gaillard encore, bien tenu, ses petits favoris blancs, en pattes de lièvre correctes, avec le long nez de la famille qui aiguisait sa face maigre, au plan de cuir coupé de grands plis. Et dans son ombre, ne le quittant pas d'une semelle, la mère, plus petite, semblait être restée grasse, le ventre gros d'un commencement d'hydropisie, le visage couleur d'avoine, troué d'yeux ronds, d'une bouche ronde, qu'une infinité de rides serraient ainsi que des bourses d'avares. Stupide, réduite dans le ménage à un rôle de bête docile et laborieuse, elle avait toujours tremblé devant l'autorité despotique de son mari. « Ah, c'est donc vous !» s'écria Fanny qui se leva. Delhomme avait également quitté sa chaise. Et derrière les vieux, Jésus-Christ venait de reparaître, se dandinant, sans une parole. Il écrasa le bout de son cigare pour l'éteindre, puis fourra le fumereau empesté dans une poche de sa blouse. « Alors, nous y sommes, » dit Fouan. « Il ne manque que Buteau. » « Jamais à l'heure, jamais comme les autres, ce bougre-là. »« Je l'ai vu au marché, » déclara Jésus-Christ d'une voix enrouée par l'eau de vie. « Il va venir. » Buteau, le cadet, âgé de 27 ans, devait ce surnom à sa mauvaise tête, continuellement en révolte, s'obstinant dans des idées à lui qui n'étaient celles de personne. Même gamin, il n'avait pu s'entendre avec ses parents. Et plus tard, après avoir tiré un bon numéro, il s'était sauvé de chez eux pour se louer, d'abord à la borderie, ensuite à la chamade. Mais comme le père continuait de gronder, il entra, vif et gai. Chez lui, le grand nez des fouans s'était aplati, tandis que le bas de la figure, les maxillaires s'avançaient en mâchoires puissantes de carnassier. Les tempes fuyaient, tout le haut de la tête se resserrait, et derrière le rire gaillard de ses yeux gris, il y avait déjà de la ruse et de la violence. Il tenait de son père le désir brutal, l'entêtement dans la possession, aggravé par l'avarice étroite de la mère. À chaque querelle, lorsque les 2 vieux l'accablaient de reproches, il leur répondait « Fallait pas me faire comme ça !»« Dites donc, il y a 5 lieues de la chamade à Cloix, » répondit-il au grognement. « Et puis quoi ? J'arrive en même temps que vous. Est-ce qu'on va encore me tomber sur le dos ?» Maintenant, tous se disputaient, criaient de leurs voix perçantes et hautes, habitués au plein vent, débattaient leurs affaires, absolument comme s'ils se fussent trouvés chez eux. Les clercs, incommodés, leur jetaient des regards obliques, lorsque le notaire vint au bruit, ouvrant de nouveau la porte de son cabinet. « Vous y êtes tous ? Allons, entrez !» Ce cabinet donnait sur le jardin, la mince bande de terre qui descendait jusqu'au Loir, dont on apercevait, au loin, les peupliers sans feuilles. Ornant la cheminée, il y avait une pendule de marbre noir entre des paquets de dossiers, et rien autre que le bureau d'acajou, un cartonnier et des chaises. Tout de suite, maître Bailleache s'était installé à son bureau, comme à un tribunal, tandis que les paysans, entrés à la queue, hésitaient, louchaient en regardant les sièges, avec l'embarras de savoir où et comment ils devaient s'asseoir. « Voyons, asseyez-vous !» Alors, poussés par les autres, Fouan et Rose se trouvèrent au premier rang sur deux chaises. Fanny et Delhomme se mirent derrière, également côte à côte, pendant que Buteau s'isolait dans un coin, contre le mur, et qu'Hyacinthe, seule, restait debout, devant la fenêtre, dont il bouchait le jour de ses larges épaules. Mais le notaire, impatienté, l'interpella familièrement. « Asseyez-vous donc, Jésus-Christ !» Et il dut entamer l'affaire le premier. « Ainsi, père Fouan, vous vous êtes décidé à partager vos biens de votre vivant entre vos deux fils et votre fille. » Le vieux ne répondit point. Les autres demeurèrent immobiles. Un grand silence se fit. D'ailleurs, le notaire, habitué à ses lenteurs, ne se hâtait pas, lui non plus. Sa charge était dans la famille depuis 250 ans. Les Bailleaches, de père en fils, s'étaient succédés à Cloyes, d'antiques sans Beauceron, prenant de leur clientèle paysanne la pesanteur réfléchie, la circonspection sournoise qui noie de longs silences et de paroles inutiles le moindre débat. Il avait ouvert un canif, il se rognait les ongles. « N'est-ce pas ? Il faut croire que vous vous êtes décidé !» répéta-t-il enfin, les yeux fixés sur le vieux. Celui-ci se tourna, eut un regard sur tous, avant de dire en cherchant les mots. « Oui, ça se peut bien, monsieur Bailleache. Je vous en avais parlé à la moisson. Vous m'aviez dit d'y penser davantage. Et j'y ai pensé encore. Et je vois qu'il va falloir tout de même en venir là. » Il expliqua pourquoi, en phrases interrompues, coupées de continuelles incidentes. Mais ce qu'il ne disait pas, ce qui sortait de l'émotion refoulée dans sa gorge, c'était la tristesse infinie, la rancune sourde, le déchirement de tout son corps à se séparer de ses biens si chaudement convoités avant la mort de son père, cultivés plus tard avec un acharnement de rut, augmentés ensuite lopins à lopins, au prix de la plus sordide avarice. Telle parcelle représentait des mois de pain et de fromage, des hivers sans feu, des étés de travaux brûlants, sans autre soutien que quelques gorgées d'eau. Il avait aimé la terre en femme qui tue et pour qui on assassine. Ni épouse, ni enfant, ni personne, rien d'humain, la terre. Et voilà qu'il avait vieilli, qu'il devait céder cette maîtresse à ses fils, comme son père la lui avait cédée à lui-même, enragé de son impuissance. Voyez-vous, monsieur Bailleache, il faut se faire une raison, les jambes ne vont plus, les bras ne sont guère meilleurs, et dame, la terre en souffre. Ça aurait encore pu marcher si l'on s'était entendu avec les enfants. » Il jeta un coup d'œil sur Buteau et sur Jésus-Christ, qui ne bougèrent pas, les yeux au loin, comme à 100 lieues de ce qu'il disait. « Mais quoi ? Voulez-vous que je prenne du monde ? Des étrangers qui pilleront chez nous ? Non, les serviteurs, ça coûte trop cher. Ça mange le pain au jour d'aujourd'hui. Mais je ne peux donc plus. » Cette saison, tenez, des 19 sautiers que je possède, eh bien, j'ai eu à peine la force d'en cultiver le quart. Juste de quoi manger, du blé pour nous et de l'herbe pour les 2 vaches. Alors, ça me fend le cœur de voir cette bonne terre qui se gâte. Oui, j'aime mieux tout lâcher que d'assister à ce massacre. » Sa voix s'étrangla. Il eut un grand geste de douleur et de résignation. Près de lui, sa femme, soumise, écrasée par plus d'un demi-siècle d'obéissance et de travail, écoutait. « L'autre jour, continua-t-il, en faisant ses fromages, Rose est tombée le nez dedans. Moi, ça me casse, rien que de venir en carriole au marché. Et puis, la terre, on ne l'emporte pas avec soi quand on s'en va. Faut la rendre, faut la rendre. Enfin, nous avons assez travaillé, nous voulons crever tranquille. N'est-ce pas, Rose ? C'est ça, même, comme le bon Dieu nous voit, dit la vieille. Un nouveau silence régna, très long. Le notaire achevait de se couper les ongles. Il finit par remettre le canif sur son bureau en disant « Oui, ce sont des raisons raisonnables. On est souvent forcé de se résoudre à la donation. Je dois ajouter qu'elle offre une économie aux familles, car les droits d'héritage sont plus forts que ceux de la démission de biens. » Buteau, dans son affectation d'indifférence, ne put retenir ce cri. « Alors, c'est vrai, monsieur Bailleux-H ? Mais sans doute, vous allez y gagner quelques centaines de francs. » Les autres s'agitèrent. Le visage de Delhomme lui-même s'éclaira, tandis que le père et la mère partageaient aussi cette satisfaction. C'était entendu, l'affaire était faite, du moment que ça coûtait moins. Il me reste à vous présenter les observations d'usage, ajouta le maire. Beaucoup de bons esprits blâment la démission de biens, qu'ils regardent comme immorale, car ils l'accusent de détruire les liens de famille. On pourrait en effet citer des faits déplorables. Les enfants se conduisent des fois très mal lorsque les parents se sont dépouillés. Les deux fils et la fille l'écoutaient, la bouche ouverte, avec des battements de paupières et un frémissement des joues. « Que papa garde tout s'il a ses idées !» interrompit sèchement Fanny, très susceptible. « Nous avons toujours été dans le devoir, » dit Buteau. « Et ce n'est pas le travail qui nous fait peur, » déclara Jésus-Christ. D'un geste, M. Bailleux-H les calma. « Laissez-moi donc finir. Je sais que vous êtes de bons enfants, des travailleurs honnêtes, et avec vous, il n'y a certainement pas de danger que vos parents se repentent un jour. » Il n'y mettait aucune ironie. Il répétait la phrase amicale que 25 ans d'habitude professionnelle arrondissait sur ses lèvres. Mais la mère, bien qu'elle n'eût pas semblé comprendre, promenait ses yeux bridés de sa fille à ses deux fils. Elle les avait élevés tous les trois, sans tendresse, dans une froideur de ménagère qui reproche aux petits de trop manger sur ce qu'elle épargne. Le cadet, elle lui gardait rancune de ce qu'il s'était sauvé de la maison lorsqu'il gagnait enfin. La fille, elle n'avait jamais pu s'accorder avec elle, blessée de se heurter à son propre sang, à une gaillarde active, chez qui l'intelligence du père s'était tournée en orgueil. Et son regard ne s'adoucissait qu'en s'arrêtant sur l'aîné, ce chenapan qui n'avait rien d'elle ni de son mari, cette mauvaise herbe poussée on ne savait d'où, et que peut-être pour cela elle excusait et préférait. Fouan, lui aussi, avait regardé ses enfants l'un après l'autre, avec le sourd malaise de ce qu'il ferait de son bien. La paresse de l'ivrogne l'angoissait moins encore que la convoitise jouisseuse des deux autres. Il hocha sa tête tremblante. À quoi bon se manger le sang, puisqu'il le fallait ? Maintenant que le partage est résolu, reprit le maire, il s'agit de régler les conditions. Êtes-vous d'accord sur la rente à servir ? Du coup, tous redevinrent immobiles et muets. Les visages tannés avaient pris une expression rigide, la gravité impénétrable des diplomates abordant l'estimation d'un empire. Puis, ils se tâtèrent d'un coup d'œil, mais personne encore ne parla. Ce fut le père qui, de nouveau, expliqua les choses. « Non, monsieur Bailleux-H, nous n'en avons pas causé. Nous avons attendu d'être tous ensemble ici. Mais c'est bien simple, n'est-ce pas ? J'ai 19 setiers, ou 9,5 hectares, comme on dit à cette heure. Alors, si je louais, ça ferait donc 950 francs à 100 francs l'hectare. » Buteau, le moins patient, sauta sur sa chaise. « Comment ? À 100 francs l'hectare ? Est-ce que vous vous foutez de nous, papa ?» Et une première discussion s'engagea sur les chiffres. Il y avait un setier de vigne. Ça, oui, on l'aurait loué 50 francs. Mais est-ce qu'on n'aurait jamais trouvé ce prix pour les 12 setiers de terre de labour ? Et surtout pour les 6 setiers de prairies naturelles, ces prés du bord de l'Aigre dont le foin ne valait rien ? Les terres de labour elles-mêmes n'étaient guère bonnes. Un bout principalement, celui qui longeait le plateau, car la couche arable s'amincissait à mesure qu'on approchait du vallon. « Voyons, papa, » dit Fanny d'un air de reproche, « il ne faut pas nous fiche dedans. Ça vaut 100 francs l'hectare, répétait le vieux avec obstination en se donnant des claques sur la cuisse. Demain, je louerai à 100 francs si je veux. Mais qu'est-ce que ça vaut donc pour vous autres? Dites un peu voir ce que ça vaut. Ça vaut 60 francs, dit Buteau. Fouan, hors de lui, maintenait son prix, entré dans un éloge outré de sa terre, une si bonne terre qui donnait du blé toute seule, lorsque Delhomme, silencieux jusque-là, déclara avec son grand accent d'honnêteté. « Ça vaut 80 francs, pas un sou de plus, pas un sou de moins. » Tout de suite, le vieux se calma. « Bon, mettons 80. Je veux bien faire un sacrifice pour mes enfants. » Mais Rose, qui l'avait tiré par un coin de sa blouse, lâcha un seul mot, la révolte de sa ladrerie. « Non, non !» Jésus-Christ s'était désintéressé. La terre ne lui tenait plus au cœur depuis ses 5 ans d'Afrique. Il ne brûlait que d'un désir, avoir sa part, pour patrimoner. Aussi continuait-il à se dandiner, d'un air goguenard et supérieur. « J'ai dit 80 !» criait Fouan. « C'est 80. Je n'ai jamais eu qu'une parole. Devant Dieu, je le jure. 9,5 hectares, voyons, ça fait 760 francs, en chiffres ronds, 800. Eh bien, la pension sera de 800 francs, c'est juste. » Violemment, Buteau éclata de rire, pendant que Fanny protestait d'un branle de la tête, comme stupéfaite. Et M. Bailleux-Hache, qui depuis la discussion regardait dans son jardin, les yeux vagues, revint à ses clients, sembla les écouter en se tirant les favoris de son geste maniaque, assoupi par la digestion du fin déjeuner qu'il avait fait. Cette fois pourtant, le vieux avait raison, c'était juste. Mais les enfants, échauffés, emportés par la passion de conclure le marché au plus bas prix possible, se montraient terribles, marchandaient, juraient, avec la mauvaise foi des paysans qui achètent un cochon. « 800 francs !» ricanait Buteau. « C'est donc que vous allez vivre comme des bourgeois ?»« Ah bien, 800 francs, on mangerait 4. Dites tout de suite que c'est pour vous crever d'indigestion !» Foi ne se fâchait pas encore. Il trouvait le marchandage naturel. Il faisait simplement face à ce déchaînement prévu, allumé lui aussi, allant carrément jusqu'au bout de ses exigences. « Et ce n'est pas tout, minute !» Nous gardons jusqu'à notre mort la maison et le jardin, bien entendu. Puis, comme nous ne récolterons plus rien, que nous n'aurons plus les 2 vaches, nous voulons par an 1 pièce de vin, 100 fagots et par semaine 10 litres de lait, 12 œufs et 3 fromages. « Oh, papa !» gémit douloureusement Fanny, atterrée. « Oh, papa !» Buteau, lui, ne discutait plus. Il s'était levé d'un bond, il marchait avec des gestes brusques. Même il avait enfoncé sa casquette pour partir. Jésus-Christ venait également de quitter sa chaise, inquiet à l'idée que toutes ces histoires pouvaient faire manquer le partage. Seul Delhomme restait impassible, un doigt contre son nez, dans une attitude de profonde réflexion et de gros ennuis. Alors, Maître Bailleux-Hache sentit la nécessité de hâter un peu les choses. Il secoua son assoupissement et, en fouillant ses favoris d'une main plus active, « Vous savez, mes amis, que le vin, les fagots, ainsi que les fromages et les œufs sont dans les usages. » Mais il fut interrompu par une volée de phrases aigres. « Des œufs, avec des poules dedans, peut-être? Est-ce que nous buvons notre vin? Nous le vendons? « Ne rien foutre et se chauffer, c'est commode lorsque vos enfants s'esquintent. » Le notaire, qui en avait entendu bien d'autres, continua avec flegme. « Tout ça, ce n'est pas à dire, saperlope. Jésus-Christ, asseyez-vous donc, vous bouchez le jour, c'est agaçant. Et voilà qui est entendu, n'est-ce pas, vous tous? Vous donnerez les redevances en nature, parce que vous vous feriez montrer du doigt. Il n'y a donc que le chiffre de la rente à débattre. » Delhomme, enfin, fit signe qu'il avait à parler. Chacun venait de reprendre sa place. Il dit lentement, au milieu de l'attention générale, « Pardon, ça semble juste ce que demande le père. On pourrait lui servir 800 francs, puisque c'est 800 francs qu'il louerait son bien. Seulement, nous ne comptons pas ainsi, nous autres. Il ne nous loue pas la terre, il nous la donne. » Et le calcul est de savoir ce que lui et la mère ont besoin pour vivre. Oui, pas davantage, ce qu'ils ont besoin pour vivre. « En effet, appuya le notaire, c'est ordinairement la base que l'on prend. » Et une autre querelle s'éternisa. La vie des deux vieux fut fouillée, étalée, discutée besoin par besoin. On pesa le pain, les légumes, la viande. On estima les vêtements, rognant sur la toile et sur la laine. On descendit même aux petites douceurs, au tabac fumé du père, dont les deux sous quotidiens, après des récriminations interminables, furent fixés à un sou. Lorsqu'on ne travaillait plus, il fallait savoir se réduire. Est-ce que la mère, elle aussi, ne pouvait se passer de café noir? C'était comme leur chien, un vieux chien de 12 ans qui mangeait gros, sans utilité. Il y avait beau temps qu'on aurait dû lui allonger un coup de fusil. Quand le calcul se trouva terminé, on le recommença. On chercha ce qu'on allait supprimer encore. 2 chemises, 6 mouchoirs par an, 1 centime sur ce qu'on avait mis par jour pour le sucre. Et en taillant et retaillant, en épuisant les économies infimes, on arriva de la sorte à un chiffre de 550 et quelques francs. Ce qui laissa les enfants agités, hors d'eux, car ils s'entêtaient à ne pas dépasser 500 francs tout rond. Cependant, Fanny se lassait. Elle n'était pas mauvaise fille, plus pitoyable que les hommes, n'ayant point encore le cœur et la peau durcis par la rude existence au grand air. Aussi parlait-elle d'en finir, résignée à des concessions. Jésus-Christ, de son côté, haussait les épaules, très large sur l'argent, envahi même d'un attendrissement d'ivrogne, prêt à offrir un appoint sur sa part, qu'il n'aurait du reste jamais payé. « Voyons, demanda la fille, ça va-t-il pour 550 ?»« mais oui, répondit-il, faut bien qu'ils nostent un peu, les vieux. » La mère eut pour son aîné un regard souriant et mouillé d'affection. Tandis que le père continuait la lutte avec le cadet, il n'avait cédé que pas à pas, bataillant à chaque réduction, s'entêtant sur certains chiffres. Mais sous l'opiniâtreté froide qu'il montrait, une colère grandissait en lui devant l'enragement de cette chair qui était la sienne, à s'engraisser de sa chair, à lui sucer le sang, vivant encore. Il oubliait qu'il avait mangé son père ainsi. Ses mains s'étaient mises à trembler. Il gronda. « Ah, fichu graine, dire qu'on a élevé ça et que ça vous retire le pain de la bouche, j'en suis dégoûté, ma parole. J'aimerais mieux pourrir déjà dans la terre. Alors, il n'y a pas moyen que vous soyez gentil? Vous ne voulez donner que 550 ?» Il consentait, lorsque sa femme, de nouveau, le tira par sa blouse en lui soufflant. « Non, non !»« Ce n'est pas tout ça, » dit Buteau, après une hésitation. « Et l'argent de vos économies? Si vous avez de l'argent, n'est-ce pas, vous n'allez pas bien sûr accepter le nôtre ?» Il regardait son père fixement, ayant réservé ce coup pour la fin. Le vieux était devenu très pâle. « Quel argent ? » demanda-t-il. « Mais l'argent placé, l'argent dont vous cachez les titres !» Buteau, qui soupçonnait seulement le magot, voulait se faire une certitude. Certains soirs, il avait cru voir son père prendre derrière une glace un petit rouleau de papier. Le lendemain et les jours suivants, il s'était mis aux aguets, mais rien n'avait reparu. Il ne restait que le trou vide. Fouan, de blême qu'il était, devint subitement très rouge sous le flot de sa colère qui éclatait enfin. Il se leva, cria avec un furieux geste. « Ah, ça, nom de Dieu! Vous fouillez dans mes poches maintenant! Je n'ai pas un sou, pas un liard de placé. Vous avez trop coûté pour ça, mauvais bougre! Mais est-ce que ça vous regarderait? Est-ce que je ne suis pas le maître? Le père ?» Il semblait grandir dans ce réveil de son autorité. Pendant des années, tous, la femme et les enfants, avaient tremblé sous lui, sous ce despotisme rude du chef de la famille paysanne. On se trompait si on le croyait fini. « Oh, papa !» voulut ricaner Buteau. « Tais-toi, nom de Dieu !» continua le vieux, la main toujours en l'air. « Tais-toi, ou je cogne !» Le cadet bégaya, se fit tout petit sur sa chaise. Il avait senti le vent de la gifle. Il était repris des peurs de son enfance, levant le coude pour se garer. « Et toi, Hyacinthe, n'aie pas l'air de rire. Et toi, Fanny, baisse les yeux. Aussi vrai que le soleil nous éclaire, je vais vous faire danser, moi. » Il était seul, debout et menaçant. La mère tremblait, comme si elle eût craint les tornioles égarées. Les enfants ne bougeaient plus, ne soufflaient plus, soumis, domptés. « Vous entendez ça? Je veux que la rente soit de 600 francs. Autrement, je vends ma terre, je la mets en viager. Oui, pour manger tout, pour que vous n'ayez pas un radis après moi. Les donnez-vous, les 600 francs ?»« Mais papa, murmura Fanny, nous donnerons ce que vous voudrez. » « 600 francs, c'est bien, » dit de l'homme. « Moi, » déclara Jésus-Christ, « je veux ce qu'on veut. » Buteau, les dents serrées de rancune, parut consentir par son silence. Et Fouan les dominait toujours, promenant ses durs regards de maître obéi. Il finit par se rasseoir en disant « Alors, ça va, nous sommes d'accord. » Maître Bailleuhache, sans s'émouvoir, repris de sommeil, avait attendu la fin de la querelle. Il ouvrit les yeux, il conclut paisiblement. « Puisque vous êtes d'accord, en voilà assez. Maintenant que je connais les conditions, je vais dresser l'acte. De votre côté, faites arpenter, divisez, et dites à l'arpenteur de m'envoyer une note contenant la désignation des lots. Lorsque vous les aurez tirés au sort, nous n'aurons plus qu'à inscrire après chaque nom le numéro tiré, et nous signerons. » Il avait quitté son fauteuil pour les congédier, mais ils ne bougèrent pas encore, hésitant, réfléchissant. Est-ce que c'était bien tout? N'oubliait-il rien? N'avait-il pas fait une mauvaise affaire, sur laquelle il était peut-être temps de revenir? 3 heures sonnèrent. Il y avait près de 2 heures qu'ils étaient là. « Allez-vous-en, » leur dit enfin le notaire. « D'autres attendent. » Ils durent se décider. Il les poussa dans l'étude, où, en effet, des paysans, immobiles, raidis sur les chaises, patientaient, tandis que le petit clerc suivait par la fenêtre une bataille de chiens, et que les 2 autres, maussades, faisaient toujours craquer leurs plumes sur du papier timbré. Dehors, la famille demeura un moment plantée au milieu de la rue. « Si vous voulez, » reprit le père, « l'arpentage sera pour après-demain, lundi. » Ils acceptèrent d'un signe de tête. Ils descendirent la rue Grouèze, à quelques pas les uns des autres. Puis, le vieux Fouan et Rose ayant tourné dans la rue du Temple vers l'église, Fanny et Delhomme s'éloignèrent par la rue Grande. Buteau s'était arrêté sur la place Saint-Lubin, à se demander si le père avait ou n'avait pas de l'argent caché. Et Jésus-Christ, resté seul, après avoir rallumé son bout de cigare, entra en se dandinant au café du Bon Laboureur.